Ça va les amigos? Yes. Vous me connaissez politiquement, je suis un peu une boussole. Oui. Pour beaucoup de citoyens. Avec Arlette Chabot, on fait du consulting online. Je me trompe rarement. Combien de fois j'ai pas dit cette année c'est pour Bayrou? Bim, 9%. On l'a toujours dit, monsieur Hollande, vous m'auriez un minimum consulté en 2017. Enfin, tant pis, ce qui est fait, fait. Consolation, président, vous n'aurez jamais pu être invité à la bande originale. Yeah. Un G8, une interview de Nagui. Quoi qu'ici, Nagui, on l'appelle le G8. Hein, parce qu'économiquement, Nagui, c'est un peu une grande puissance à lui tout seul. Mais bref. Dis donc. Je le prends comment? Bien. Je vous parle bien, de boussole. Bien. Là, c'est les élections américaines et forcément, bah, ça me sollicite de partout, évidemment. Oui. Les gens sont là. Ernesto, son of a perfume, Yves Rocher. I'm confused. Trump, Biden. Help me to choose the president. Alors. Pas d'affolement. Mes consignes de vote sont évidemment sur mon blog pour 19 dollars. Indice des deux candidats, mon préféré, c'est celui qui est blanc et qui a plus de 70 ans. Little astuce. Mais oui, je peux te dire, quand je suis avec Arlette Chabot, ça n'arrête pas. L'autre jour, elle me fait « Tu connais la différence entre François Baroin et une poignée de porte ?» Je dis « Non, vas-y, dis-moi. » Et elle avait oublié la chute. C'est dommage. Parfois, Arlette, elle est dissipée, Arlette. Bref, on rit. Mais là, on sent que cette chronique est à un tournant de son histoire. Vous vous dites, se marier très bien, on est tous pour. Mais finalement, il parle de quoi? Ton billet. Très bonne remarque. Alors, évidemment, dilemme, j'ai deux options pour la suite. Alors, option 1, j'ai un paquet de blagues sur la coupe de cheveux de Donald Trump. Des trucs complètement, mais. Que personne n'a jamais fait. Voilà. Arlette, elle me dit l'autre jour, tu trouves pas Trump, ses cheveux, on dirait, il y a une perruque? Je dis, si. Elle me dit, ouais, moi aussi. Je crois qu'elle a pas encore saisi le concept de punchline, Arlette. Franchement, mais ça va venir, ça se travaille. Option 2, je vous révèle ma toute nouvelle théorie sur François Hollande et Donald Trump. Ah. Je fais quoi? Vas-y. Attends, j'ai une vanne comme quoi Trump il est orange et tout. C'est un peu border, mais c'est jamais entendu. Non, passe. Ok. Mon théorie. Moi, François Hollande, il s'est un jour qualifié de président normal. D'accord? Ouais. Moi, je considère que peut-être que, en fait, Donald Trump est peut-être plus normal que François Hollande. Ça vous embouche un peu. J'ai un angle, hein, mais c'est très vexant. T'as intérêt. Prenons l'aspect prise de parole, par exemple. D'un côté, on a vous, monsieur Hollande, dont tous les discours de président étaient filtrés, mesurés, pesés, sous-pesés. D'un autre côté, on a Donald Trump qui passe sa journée sur les réseaux sociaux à écrire littéralement tout ce qui lui passe par la tête. Des deux, qui est le plus normal? Là, il y a le standard de France Inter qui explose. Les gens sont là. Ernesto, encore. Encore, regarde ça. Alors, d'un autre côté, on a Donald Trump, par exemple, qui est un monstre d'arrogance et d'ego. Et d'un autre, on a vous, monsieur de Hollande, qui avez mis une espèce de point d'honneur. Non, mais c'est pas monsieur de Hollande. Il n'est pas devenu noble. D'un coup. Vous n'étiez pas président de la Hollande? Non, ça passe quand même. Écoutez ma théorie. D'un côté, on a Donald Trump qui est un monstre d'ego. Et de l'autre côté, on a vous qui avez mis une espèce de point d'honneur à jamais vous la péter. C'est vrai? En France? Allô, vous trouvez que ça c'est dans la norme, un Français qui se la pète pas? Vous croyez qu'il y a un peuple au monde qui dit waouh, les Français non seulement ils ont du bon fronton, mais en plus qu'est-ce qu'ils sont humbles? Non, jamais. Autre exemple, vous êtes socialiste, vous croyez qu'être socialiste en France c'est la norme? Non, c'est 6% de la population. Bien joué Benoît Hamon. Voilà, Trump il est de droite, c'est ça qui est normal en France, c'est vrai. En plus Trump il est presque ouvertement raciste et sexiste. Vous avez déclaré un jour, j'ai le racisme en horreur. D'ailleurs j'ai bien connu deux Arabes. Très belle déclaration. Et vous allez me dire j'ai jamais dit ça? Absolument, très bonne mémoire. En revanche, vous avez bel et bien déclaré qu'à la réflexion, vous n'auriez peut-être pas utilisé l'expression « président normal » que ça aurait été plus judicieux de dire « président humain », si je ne m'abuse. Oui. Ce qui nous amène à une dernière question. Qu'est-ce que la nature humaine? Et vous allez me dire « mec, tu connais déjà pas la capitale de la Croatie, tu vas nous dire c'est quoi la nature humaine ?» T'es sérieux? Alors déjà, Sarah Gévo, et de deux, je viens de finir un livre formidable qui s'appelle « Humanité, une histoire optimiste ». Je vous dirais bien d'aller l'acheter, mais lol, évidemment. Chez nous, les librairies sont ouvertes, les animaleries aussi, Daniel, d'ailleurs. Hein, je dis ça, je dis rien, c'est pas un jeu de valeur. Quand tu dis « chez nous », c'est en Belgique. En Belgique, on a tous besoin d'affection. Bref. La théorie de l'auteur, c'est qu'en dépit de l'histoire, de ce que l'histoire nous enseigne, l'être humain serait naturellement bon. C'est sa théorie, quoi. Malgré ce qui, c'est évidemment, c'est dur à croire, forcément, quand on voit le 11 de base aligné par Didier Deschamps en demi-finale d'une certaine coupe. On a gagné. Sans compter le nazisme. Mais ce bouquin, il aide à réfléchir à ce qu'est la normalité chez Sapiens Sapiens. Et là, le standard d'Inter qui explose. Ernesto, ne nous dis pas que c'est ça ta chute. Non, ma chute, elle est sur mon blog, 19 dollars, avec une blague d'Arlette Chabot. Allez, bonne émission. Merci.